Script audio, chapitre 3, le sel dans la plaie. Ambiance sonore, le brouhaha de l'université s'estompe pour laisser place à un silence lourd. On entend seulement le tic-tac lent d'une vieille horloge et le froissement de feuilles de papier. Narrateur. Le bureau du professeur Diatta était une grotte de papier et de silence. L'homme, un casamançais au regard usé par des insomnies invisibles, écouta le récit d'Aïcha sans dire un mot. Lorsqu'elle eut fini de décrire le « tableau » d'Alou, il esquissa un sourire triste, comme une cicatrice qui se rouvre. Voix du professeur Diatta, lente, fatiguée, chargée d'émotion. « Vous avez la colère du juste, Aïcha. Mais cette colère ne fait que souligner l'étendue de mon propre naufrage. » Narrateur. Il baissa la voix, comme pour ne pas réveiller les fantômes qui hantaient les coins sombres de la pièce. Voix du professeur Diatta. Nul n'est plus en difficulté que moi. Je suis le plus grand des traîtres aux yeux de tous. Musique, une mélodie de violoncelle ou de cora très basse, mélancolique. Narrateur. Il se confia, dans un murmure chargé de honte. Là-bas, au village, on le traitait de collaborateur parce qu'il enseignait la philosophie de l'État. Mais s'il n'envoyait pas ça, pas de salaire à la rébellion, sa famille était menacée. Des cousins, des amis d'enfance, mutilés par des mines antipersonnelles, avaient besoin de soins constants. Voix du professeur Diatta, amère. C'est le sel qu'on jette chaque jour dans leur plaie, Aïcha, et moi, le professeur, je dois payer pour le penser. Narrateur. Il marqua une pause, le regard perdu vers la fenêtre. Voix du professeur Diatta. Et ici, à Dakar, je suis un rebelle infiltré. Soupçonné par l'État de pouvoir placer une bombe. Je suis pris entre deux feux, condamné à trahir pour survivre. Narrateur. Aïcha fut submergée. Le drame de cet homme, déchiré entre ses devoirs contraires, était la preuve ultime que les jeux d'Alou n'étaient pas des débats d'idées, mais des machines à broyer des vies. Voix d'Aïcha, déterminée, presque prophétique. Professeur, votre calvaire est le terminus de leur chemin. Ils se croient intouchables, protégés par leur haine. Mais je vais leur rappeler l'histoire des mille collines. Ils seront ceux qui ordonneront de tuer les cafards, mais après les machettes, vient le temps des comptes. La justice nationale peut fermer les yeux, mais la haie, jamais. Sonore, le tic-tac de l'horloge devient plus fort, puis s'arrête net. Ampoule électrique indication pour le narrateur. Le professeur Diatta, sa voix doit incarner l'épuisement. Il ne crie pas, il soupire sa douleur. On doit sentir qu'il porte le poids du monde. L'ambiance, ce chapitre demande beaucoup de pauses. Laissez les mots traîtres et sel résonner dans le silence. Le changement de ton, à la fin, Aïcha doit reprendre le dessus. Sa voix doit redevenir celle d'une combattante, une sentinelle. Yalana yala barkel sabat. Ce chapitre va donner des frissons aux auditeurs.